voler les nuages, pensant qu'il était déjà l'heure de partir à l'abordage, affronter ce monde et ses pleurs, chantant dans ces lieux inconnus que personne ne maquille, et puis mettre ses songes à nu. C'est pas facile, il veut vivre du soleil et écrire quelques passages de ces étranges merveilles, belles fleurs du paysage. Engourdi par le sommeil, le stylo au creux d'une page, il rêve que la nature l'appelle en lui hurlant de toute sa rage. Thank you.